Philamète et Chrysale voulant alors imposer chacun au notaire celui qu'ils ont choisi pour gendre, Martine, soutenue par Chrysale, intervient. Ce n'est point à la femme à prescrire, et je somme, pour céder le dessus en toute chose aux hommes. Sans doute. Et nous voyons que d'un homme on se gosse quand sa femme chez lui porte le haut de chausse. Il est vrai. Si j'avais un mari, je le dis, je voudrais qu'il se fît le maître du logis. Je ne l'aimerais point s'il faisait le jocrisse, et si je contestais contre lui par caprice, si je parlais trop haut, je trouverais fort bon qu'avec quelques soufflets, il rabaissât mon ton. C'est parler comme il faut. Monsieur raisonnable, de vouloir pour sa fille un mari convenable. Oui. Par quelle raison, jeune et bien fait qu'il est, lui refuser qu'il tendre? Et pourquoi, s'il vous plaît, lui bâillir un savant qui sans cesse épilogue? Il lui faut un mari, non pas un pédagogue. Et ne voulant savoir le grec ni le latin, elle n'a pas besoin de M. Trissotin. Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise. Et pour mon mari, moi, mille fois je l'ai dit, je ne voudrais jamais prendre un homme d'esprit. L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage. Les livres cadrent mal avec le mariage. Et je veux, si jamais on engage ma foi, un mari qui n'ait point d'autres livres que moi, qui ne sache A ni B, n'en déplaise à madame, et ne soit en un mot docteur que pour sa femme.